Le château Saint-Onge. C'est dans les détails. La brise de mai sur ma joue, la valse des branches de mélèze, le clapotis des vagues sur le quai, le chant des mésanges. Le soleil est encore doux à cette heure et un grillon solitaire vrombit quelque part au loin. Ma main traîne sur le bois du quai et la chaleur du bois contraste avec le vent frais du lac. Je savoure la sensation de la soie contre mon corps nu. Allongé sur une chaise longue, les muscles assouplis par 2 heures de massage californien. Un moment de tranquillité, un instant de paix. Inspire, expire. Tout est dans les détails. L'infinité si mal. Par exemple, il n'y a pas vraiment d'oiseaux ni de grillons, mais une série de haut-parleurs parsemés discrètement à travers mon domaine. Un artiste japonais l'a conçu. Il s'agit, m'assure-t-on, d'une réplique fidèle du modèle des sons audibles dans la forêt de Kolmården. Sublime. Et ces mélèzes sont si beaux parce que brevetés, bio-augmenté, résistant. À peine 10 ans et déjà à maturité, c'est formidable. On ne peut rien laisser au hasard. Peu à peu, j'ouvre les yeux. Un nuage s'effiloche tranquillement dans l'azur. Le ciel rejoint les collines rondes et boisées dans toutes les directions. Et le reflet de ce paysage sur la surface de l'eau est entrecoupé de tourelles de mon château Saint-Onge. L'immense manoir se dresse dans la vallée comme un hommage funeste à la royauté britannique, l'épitomée de l'architecture victorienne. Des jardins de roses s'étendent à son pourtour avec des fontaines à l'effigie de ma famille, un héliport, un parcours de golf. Sur la terrasse bordant le lac, 4 gardes de ma haute secte tiennent une vigie silencieuse. Logos, verres fumés et mitraillettes. Ils font partie des meubles. 50 autres parcourent ma propriété, j'ai dû doubler les effectifs. Un détail parmi tant d'autres. C'est pas un problème. Un coup de fil et 500 soldats apparaissent dans l'heure. Ou 1 000, tiens, 2 000! Ô diable et béhémoth, je déploierai les tanks et les armes chimiques. Et puis quoi? Ces fourmis noires peuvent bien sucer toute la ferme des ghettos si ça leur plaît. Vider une autre de mes banques. Fais des assurances. Pendant qu'ils se considèrent comme étant moraux et infaillibles, ma loupe zoome droit sur leur gueule. L'odeur servira à dissuader les autres. Les investisseurs seront rassurés. Ma cote à la bourse montera de 3 points. L'événement K est bien en branle. Les vecteurs entrecroisés. Quand la vague frappera, il n'y aura qu'un seul bateau qui tiendra le coup. Le mien. Et quiconque dans la province voudra rester au sec viendra cogner à ma porte. Ma obsèque va remplacer la police complètement. Et je m'occuperai des anarchistes. Ceux qui prendront les armes auront une balle entre les yeux. Ceux qui les rendent iront pourrir au trou et j'effacerai leur histoire, leur nom. Des bagatelles. Vraiment. D'autres détails que je possède. Ça fait un demi-siècle que les grands de ce monde viennent ici même, boivent du vin, montrent des dents, jouissent sur des couettes satinées et repartent avec des alliances et des brûlures d'estomac. Financiers, présidents, membres de la royauté, des prédateurs, tous, avec cette même teinte, cet érotisme génocidaire. Autant de relations à maintenir, tant que c'est profitable. Mais pas aujourd'hui. Pas de dignitaires. Pas d'ambassadeur, pas de compétition à ma table. Mis à part les soldats et une poignée de servants, le palace est désert. J'ai fait purifier l'endroit. Tout a été nettoyé, de la cave au grenier, les chiottes et les cheminées. Les fleurs, les phéromones synthétiques, les toiles du siècle dernier. Tout a été agencé, qualitativement mesuré, mathématiquement calculé, pour lui plaire. Certes, le plancher de chêne rouge n'est pas digne de ses pieds, ni le champagne de ses lèvres, ni la soie de sa peau. Mais peut-être que l'harmonie finement orchestrée du château, dans sa grandiose totalité, lui paraîtra esthétiquement adéquate. J'ai été déçue si souvent. Mais elle est parfaite. Tout doit être parfait. Les détails. Vraiment.